Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. S'inspirer des ailes d'un papillon pour concevoir des panneaux solaires, reprendre les courbes d'un oiseau pour améliorer l'aérodynamisme d'un train ou encore étudier les propriétés du venin d'un serpent pour mettre au point un nouvel antidouleur. Les animaux, comme les végétaux, constituent une source d'inspiration précieuse. Encore faut-il savoir les regarder. Nous allons nous intéresser aux promesses du biomimétisme avec la biologiste Emmanuelle Pouillet-Débat. Dans un instant. Un continent caché découvert sur Mars et un virus inconnu qui inquiète en Chine. Nous en parlerons vers 15h40 dans la revue d'actu avec Mathieu Novak et Philippe Hénarejos. Et en deuxième heure, nous mettrons le cap sur la plus grande île volcanique de la planète, l'Islande. Nous serons en compagnie du géologue et photographe Arnaud Guérin. Et en toute fin d'émission, Jamy Gourmaud, le Jamy de C'est pas sorcier, nous emmènera dans une drôle d'aventure scientifique à découvrir en bande dessinée. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Rémi Sistiaga et Paul Percheron. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Ça s'est passé comme cela. C'était en Suisse, dans le Jura. Il était une fois un homme et son enfant. Ils chassaient. Il ne s'est d'ailleurs rien passé de très particulier ce jour-là, sinon qu'un des chiens est revenu, le poil incrusté de petits chardons. Ça colle, les chardons, ça tient très fort et c'est bien difficile à enlever. Cela fit réfléchir notre chasseur. Vous auriez jeté les chardons sans plus y penser. Lui, pas. Près de 15 ans plus tard, le monde apprenait un mot nouveau, Velcro. La fermeture magique. Georges de Métral avait eu sa bardane. Une fermeture magique dont tous les journaux du monde ont parlé. Une fermeture qui se pose et s'enlève comme une peau de banane. Mais pour coller quoi ? Habitants de la Terre, vous voici donc velcrotisés. Puisque d'une simple pression, Velcro fixe vos skis, vos tissus, vos soutiens-gorge, les housses de vos voitures, les fenêtres de vos tentes. Bonjour Emmanuelle Pouillet-Débat. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent ». Alors nous venons d'avoir à l'instant l'exemple d'une invention inspirée du végétal, une invention qui a fait ses preuves, hein, le velcro. C'est un exemple de ce que l'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. Oui, tout à fait, c'est un excellent exemple. Donc c'est suite à l'observation, donc comme vous l'avez entendu, hein, d'un végétal qu'on a inventé le velcro, donc des scratchs, des adhésifs, disons, nouvelle génération. Aujourd'hui, on pourrait s'inspirer aussi du GECO pour créer de nouveaux adhésifs, mais c'est un très bon exemple de bio-inspiration. Le GECO, c'est cette espèce de caméléon. Oui, c'est ça. C'est un lézard qui a sur ses pattes des propriétés adhésives. Il a plein de sillons qui s'orientent différemment en fonction de ses déplacements et de l'orientation de ses déplacements. Et ça lui permet d'adhérer au support et ça donne lieu à des nouvelles générations d'adhésifs. Avec une petite limite comme ça, dans cet exemple-là, qui me permet mais aussi de dire que c'est pour ça que je préfère parler de bio-inspiration plutôt que de biomimétisme, c'est-à-dire que pour le GECO, en fait, on essaie de s'en inspirer, mais le GECO, il nettoie ses pattes régulièrement, c'est ce qui lui permet aussi d'adhérer en permanence, ce qu'on ne pourra peut-être pas faire pour les adhésifs inspirés du GECO. Mmh. Donc là, je préfère parler de bio-inspiration parce qu'on ne recopie pas la nature, des fois on n'y arrive pas. Ouais. Alors ce terme de bio-inspiration, il est assez récent, parce que le velcro, ça a été inventé dans les années 50, finalement on faisait de la bio-inspiration sans le savoir, le terme n'existait pas encore. Tout à fait, je pense que la bio-inspiration, elle existe depuis que les humains sont là. Hein. On observe la nature, on s'en inspire pour notre quotidien, dans tous les domaines possibles. Alors, bien sûr qu'avec la science, on essaye de mettre des mots derrière ce qu'on fait, et c'est aussi ce qui nous permet, entre scientifiques, de discuter, et entre scientifiques dans le public, et aussi les industriels du privé, pour essayer de trouver des intérêts communs. Mais c'est vrai que la bio-inspiration, on en fait probablement depuis les origines de l'humanité. Alors, vous, par exemple, actuellement, Emmanuelle Pouillet-Débat, vous vous intéressez à la trompe des éléphants. Dans quel domaine la trompe des éléphants pourrait être une source d'inspiration? La trompe des éléphants, déjà, l'évolution des éléphants, elle est passionnante. Elle est liée, entre autres, à cette évolution de trompe. Là, il n'y avait pas de trompe chez les premiers éléphants. Puis cette trompe s'est allongée en lien avec ce qu'ils doivent manger, les contacts sociaux qu'ils peuvent avoir. Et moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'une trompe d'éléphant, c'est capable de manipuler une toute petite nourriture comme un pop-corn. Et en même temps, ça vous déracine un arbre. Mmh. Donc c'est un organe qui est composé de 100 000 faisceaux musculaires, même plus chez certains individus. Et en fait, ça intéresse directement les roboticiens, et notamment ce qu'on appelle la robotique molle, qui est en plein essor, c'est-à-dire créer des robots qui sont souples et qui peuvent aller dans plein de domaines obstrués, donc que ce soit dans l'industrie ou dans le médical. La trompe d'éléphant n'a pas d'os, il n'y a pas d'articulation à proprement parler, donc c'est un organe précis, puissant à la fois, sans avoir des os à l'intérieur. Mmh. Donc ça, les roboticiens, ils en sont friands en termes d'application. Et on connaît encore mal, finalement, cet organe oui. qu'on pense avoir sous les yeux depuis des années. Ouais. On n'a pas pris le temps de l'étudier. Il a été étudié d'un point de vue anatomique, c'est-à-dire qu'il y a eu des dissections des trompes. Par contre, d'un point de vue biomécanique, beaucoup moins, parce que c'est très compliqué d'aller essayer de quantifier les forces de saisie d'une trompe d'un éléphant. Donc là, on a commencé à le faire, essayer de comprendre la forme en 3D de l'extrémité de la trompe. Et on va y arriver. On a commencé, ça marche bien, à quantifier les forces de cette trompe. Et c'est une fois que les roboticiens auront les données anatomiques et aussi biomécaniques, donc les forces, les vitesses, les accélérations, qui pourront essayer de transférer ça à la robotique. Alors ce n'est pas seulement une approche scientifique ou d'ingénieur, cette approche de bio-inspiration, c'est aussi assez philosophique. C'est ce que défendent les partisans de cette approche. Je pense à Jeannine Bénioux, que vous citez dans votre ouvrage, et qui dit en substance, il faut qu'on apprenne à arrêter d'aller prendre dans la nature, mais plutôt que l'on apprenne avec la nature. Oui, c'est vraiment ça. Ce qui me plaît dans la bio inspiration, c'est que c'est très interdisciplinaire justement, et ça va effectivement de la philosophie jusqu'à des sciences très dures comme la robotique, les algorithmes, etc. C'est vraiment ne pas l'utiliser, s'en inspirer avec une portée alors philosophique, oui, et une portée écologique aussi. C'est-à-dire que pour moi, la bio-inspiration, elle n'a de sens que si on l'utilise pour avoir un retour vers la biodiversité. Il faut vraiment avoir ça en tête, et c'est au cœur d'ailleurs de la définition du biomimétisme, c'est qu'on peut s'inspirer de la nature pour améliorer nous notre quotidien dans tous les domaines. Quel qu'il soit, des transports jusqu'à l'art finalement, mais aussi en retour utiliser ces projets fondamentaux pour utiliser l'argent aussi pour la protection de la biodiversité. On va avoir des exemples dans cette émission. Je vous propose d'écouter la voix de Jeannine Bénioux que nous évoquions à l'instant. En Occident, le biomimétisme est perçu comme un concept novateur, mais son principe est pourtant très ancien. Depuis que l'homme est apparu sur Terre et qu'il observe les oiseaux, il admire leur vol élégant et leur façon de planer en utilisant les courants ascendants. Leur grâce et leur agilité nous ont de tout temps inspirés. Voilà une belle source d'inspiration, les oiseaux, et dans de nombreux domaines, Emmanuel Pouillet-Debat. Ah oui, là, les oiseaux, c'est infini. Tant d'ailleurs du point de vue du comportement, ils ont une mémoire hallucinante pour certains, et qui nous dépasse largement, nous les humains, que pour les applications, comme l'expliquait votre extrait, pour le domaine de l'aéronautique, que ce soit les rapaces, les colibris, ils ont des capacités fonctionnelles au niveau des ailes, notamment à lutter contre les turbulences, donc le tout en accomplissant des baisses d'énergie, finalement, donc ça c'est un peu inspiré des grandes compagnies pour améliorer les avions et faire baisser des coûts énergétiques. Les vols des oies aussi, qui volent ensemble et qui du coup pourraient faire baisser aussi des coûts énergétiques. Et je pense aussi à ce petit colibri, qui est un petit oiseau qui est magnifique et qui, pour séduire la femelle, fait un piqué nuptial de 100 km/h. Ah oui. Et oui, il est courageux quand même, ce petit homme-là. Motivé pour séduire. Ce petit mâle-là, pardon. Ouais. Et en fait, donc il fait un piqué nuptial et d'un coup, comme ça, il s'arrête, il ouvre les ailes et boum, il s'arrête net pour séduire la femelle. Et ça crée il subit des jets, des accélérations qui sont phénoménales. Ouais, donc là aussi, ça peut inspirer des mini-drones qui auront le potentiel d'aller dans des milieux encombrés, par exemple suite à des tremblements de terre ou des choses comme ça. Alors, les oiseaux ne sont pas uniquement des sources d'inspiration pour le vol. Vous racontez dans votre ouvrage comment les Japonais se sont inspirés du martin pêcheur pour améliorer leur TGV, le Shinkansen, c'est son nom. Oui, c'est ça. Des fois, les biologistes vont vers l'industrie et des fois, c'est le contraire. Là, pour le TGV, en l'occurrence, les Japonais avaient un problème majeur. La vitesse du train créer des nuisances sonores tant pour les passagers que pour les riverains, notamment dans l'entrée des tunnels. Et en fait, ils se sont inspirés de ce martin pêcheur. Pourquoi ? Parce que quand le martin pêcheur, il pénètre dans l'eau pour pêcher, il produit très peu d'ondes de choc et très peu d'éclaboussures. C'est-à-dire qu'il arrive en piqué, il plonge à 1 mètre de profondeur pour aller pêcher les poissons et pas une éclaboussure ne jaillit de ce plongeon. C'est ça, il y a très peu d'éclaboussures, très peu d'ondes de choc, donc ça veut dire que la morphologie de son bec et de son crâne sont probablement adaptées pour justement ne pas faire de bruit et pas créer de vibrations pour pouvoir surprendre le poisson. Hein. C'est un bon prédateur. Ouais. Et donc, du coup, les ingénieurs se sont inspirés de la morphologie de son bec et de son crâne pour créer un nez, en fait, du TGV qui est extrêmement aérodynamique. Hein. Et ça a vraiment marché parce que ça a fait baisser la nuisance sonore et en plus, ça leur coûte moins d'énergie en termes de navigation. Ouais, ça fait des économies d'énergie et en plus, c'est le confort pour les passagers et pour les riverains. Tout le monde, tout le monde y gagne. Autre inspiration venue des oiseaux, plus inattendue, le pivert qui frappe les troncs d'arbres de façon répétée à longueur de journée. Hein, vous dites 12 000 fois par jour sans un mal de tête. C'est ça, c'est le maximum qui a été quantifié. Donc c'est à peu près plus de 10 000 fois par jour, 10-12 000 fois par jour. Ouais. Donc il faut quand même vous imaginer ce que ça représente en termes de force ingurgitée par le crâne. Et donc jamais, comme vous dites, jamais de maux de tête. Et en fait, il a une morphologie du bec et du crâne avec des os relativement aplatis, par exemple. Et puis un osioïde qui fait office de ceinture de sécurité au niveau de la base du cou, qui a inspiré un créateur de nouveaux casques qui seraient susceptibles de davantage absorber les chocs en cas de chute pour le vélo, par exemple, ou la trottinette. Ouais. Alors, les oiseaux peuvent nous inspirer pour autre chose que le vol. Et d'ailleurs, pour voler, on peut chercher l'inspiration chez d'autres animaux que les oiseaux. Les insectes, par exemple. Des ingénieurs en robotique s'en inspirent pour concevoir des drones miniatures. À l'université de Berkeley, par exemple, on étudie le vol des mouches. L'aile ne se contente pas d'aller de haut en bas. Elle est aussi capable de modifier son inclinaison pour aller en avant et en arrière. Notre idée est de décomposer le mouvement en deux mécanismes. Si on fait bouger les deux composants en même temps, on obtient un battement. Si on les fait bouger en alternance, on obtient une rotation. En coordonnant et en synchronisant la rotation et le battement, on obtient le même mouvement que chez une mouche. Plutôt que d'envoyer un gros robot très cher qui risquerait d'être détruit pour retrouver des survivants, on pourrait avoir intérêt à envoyer une petite armée de robots bon marché. Même pour retrouver un seul rescapé, on pourrait se permettre de les perdre tous. Voilà une application utile, hein, Emmanuel Pouillet-Débat. Ces petits robots, un micro-robot à peine plus gros que des insectes, pour aller rechercher des victimes en cas de catastrophe. C'est une super idée, c'est vraiment un magnifique projet. Il y en a un autre comme ça sur les libellules. Et c'est vrai que les libellules, c'est pareil. Hein, vous avez une manœuvrabilité qui est exceptionnelle. Et ils ont reproduit aussi des mini-libellules qui permettent justement d'accéder à un moindre coût à des zones très encombrées. Donc ça, effectivement, ce sont des magnifiques projets. Et je suis contente en plus que vous évoquiez la mouche, parce que c'est vraiment un mal-aimé des fois dans le monde animal, alors qu'elle a un grand rôle au niveau de la pollinisation. Elle est aussi étudiée pour lutter contre certaines addictions, notamment à l'alcool chez les humains. Enfin, c'est un petit animal qu'il faut réhabiliter un petit peu, la mouche. Comment on utilise la mouche contre les addictions? Alors, la mouche, en fait, les mouches, il y a certaines guêpes qui vont pondre dans des larves de mouches pour que les œufs à l'éclosion puissent avoir de la nourriture. Mmh. Or, certaines mouches se sont rendues compte qu'en buvant de l'alcool, alors dans des fruits fermentés, hein, par exemple, elles pouvaient éviter les guêpes de pondre parce que les guêpes n'arrivent pas à se détoxifier de l'alcool. C'est pas le cas des mouches. Les mouches, elles arrivent à se détoxifier de l'alcool. Et partant de ce résultat-là, il y a des chercheurs qui ont tenté une expérience en testant des mâles mouches qui n'avaient pas accès à certaines femelles. C'est-à-dire, quand les mâles mouches se reproduisaient tout allait très bien. Quand ils n'arrivaient pas à s'accoupler avec des femelles, ils allaient boire beaucoup d'alcool. Donc, en gros, ils noyaient leur chagrin, c'est très anthropomorphique, c'est pas grave, dans l'alcool. Ouais. Donc, en fait, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour comprendre tout ce qui est le système de récompense qu'il y a derrière et comprendre d'où vient l'addiction, comment est-ce qu'elle se perpétue et comment est-ce qu'elle peut, en retour, être ensuite détoxifiée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour l'addictologie. Ouais, alors, on le voit, hein, les domaines d'application sont innombrables. Pour autant, Emmanuel Pouille-Debat, est-ce que tout est imitable dans la nature? Oula, non. Non, tout n'est pas imitable. C'est, encore une fois, c'est pour ça que je préfère parler de bio-inspiration. C'est beaucoup plus large. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Je parlais du gecko en début d'émission, c'est un petit peu ça. Un gecko, il va se nettoyer les pattes régulièrement. On va avoir du mal à créer un adhésif auto-nettoyant en permanence. Il y a un autre exemple, c'est le papillon morpho, par exemple. Le papillon morpho, c'est un papillon qui est extraordinairement beau. Et en plus de ça, il a un énorme avantage, c'est qu'il a une structure des ailes qui est assez incroyable au niveau des stries et puis au niveau du nanomètre. Elle en est vraiment dans l'infiniment petit, qui lui permet en fait de supporter des chaleurs extrêmes. Et ça, ça donne lieu à des travaux qui visent à comprendre cette nanostructure pour essayer d'améliorer les panneaux photothermiques qui parfois ne supportent pas des chaleurs extrêmes, au-delà de 50 degrés par exemple. Mais on a un souci, c'est que dans les nanostructures, on a bien du mal encore à reproduire. Et dans l'architecture, il y a des choses comme ça aussi où on est un petit peu limité encore, c'est qu'on ne sait pas encore reproduire certains matériaux. Ouais. Donc il y a encore plein de potentiel à l'avenir. Hein. Ouais, voilà encore un beau domaine d'application, l'architecture, la fabrication. Et là, il ne s'agit pas forcément de faire des prouesses ou d'atteindre des records, mais plutôt de construire mieux, en faisant attention de ne pas être trop dépensier en énergie, de moins polluer, de ménager les ressources de la planète. C'est vraiment une approche écologique. Ah oui, complètement. Et je pense que dans l'architecture, il y a encore tout à découvrir. On a des jeunes qui font des thèses là-dessus, qui sont des architectes, qui viennent vers nous dans des laboratoires de biologie pour justement concevoir de nouveaux projets. Mmh. Et je pense à un projet qui, alors là, pour le coup, qui a fait ses preuves en termes d'économie d'énergie. C'est le Leasgate Center qui a été construit au Zimbabwe, qui contient 48 cheminées et qui est basé vraiment sur l'étude des termitières. Les termitières, vous savez, c'est ces grandes constructions qu'on peut voir en Afrique. Les termites, elles se construisent des galeries à l'intérieur de la termitière pour maintenir une température interne constante à 30 degrés pour pouvoir élever leurs champignons qui vont les aider à digérer les feuilles qu'elles vont consommer ensuite. Et en fait, pour maintenir cette température à 30 degrés, c'est compliqué parce qu'il faut faire zéro la nuit, mais 50 degrés dans la journée. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles font des galeries souterraines qu'elles vont relier à leur termitière pour amener de l'air frais. Et ces galeries vont être poursuivies jusqu'au sommet de la termitière pour évacuer l'air chaud en fait en son sommet. Et le soir, pour garder un petit peu de chaleur la nuit, elles vont fermer les galeries souterraines. Et ça, c'est ce qui a inspiré les 48 cheminées de Leasgate et ça donne lieu à des grosses économies d'énergie. Ouais. Ça fonctionne bien. Des architectes se sont aussi inspirés des pommes de pin qui se ferment et s'ouvrent en fonction du taux d'humidité de l'air. Là, il y a un magnifique prototype. Effectivement, ces pommes de pin que vous entendez craquer l'été, c'est quand elles se dessèchent et qu'elles s'ouvrent. Donc, on comprend bien que c'est lié à l'humidité et à la température. Donc, elles s'ouvrent et elles se ferment. Et en fait, il y a des architectes qui ont eu l'idée, des designers, de concevoir un prototype de bâtiment qui a des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de l'humidité. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir des mécanismes mécaniques, justement, et pas liés à des consommations d'énergie comme des climatisations comme on peut avoir aujourd'hui. Et parfois on retrouve ça dans des technologies assez pointues. Par exemple, vous expliquez comment la NASA a utilisé des toutes petites algues microscopiques pour le revêtement de la navette Columbia. Ouais, c'est magnifique. Hein, on part d'une des diatomées, donc des toutes petites algues microscopiques à la fusée Columbia. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. C'est vraiment un émerveillement permanent, ce domaine. En fait, les diatomées sont des petites algues qui se fabriquent une carapace de verre, finalement. Elles arrivent à fabriquer du verre à partir de la silice, donc du sable, sans d'ailleurs utiliser de très fortes températures. Ouais. Et donc, c'est une carapace qui est extrêmement résistante. C'est comme un béton ultra léger, finalement. Et ça a été utilisé effectivement pour la NASA, pour protéger la navette, notamment lorsqu'elle doit revenir dans l'atmosphère. Alors il y a aussi dans la nature de quoi s'inspirer dans le domaine de la santé. Nous allons en parler dans un instant, la biologiste Emmanuelle Pouille-Debat est l'invité du Vent dans les synapses cet après-midi sur France Inter. Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez. Plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure, il faut faire quelque chose pour la nature. Je regarde autour de moi et le ciel ne bouge plus. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. L'horizon est sale et le vent s'est tu. Les couleurs se valent, elles n'existent plus. Mais le ciel me susurre. Il faut faire quelque chose pour la nature. Il faut inventer des histoires. devenir sourd aux rumeurs. Il faut se remettre à l'air pur et débrancher les transistors. Il faut danser dans l'eau qui dort et parler le langage des fleurs. Il faut donner aux animaux des drogues dures, oublier la fonte des glaces et sans arrêt changer de place. Il faut remettre de la couleur, chanter à l'oreille des morts, ne pas avoir peur d'avoir peur, ne pas avoir peur. Se lancer à l'aventure, être le tout et son contraire, mais ne pas se laisser faire, non, ne pas se laisser faire. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, c'était Barbara Carlotti pour La Nature. France Inter. Du vent dans les synapses. C'est l'un des serpents les plus dangereux, un cobra thaïlandais. Son venin est potentiellement mortel, mais il intéresse le monde pharmaceutique. En prélevant ces quelques gouttes, on fait avancer la recherche médicale. Un venin qui provoque une dilatation des vaisseaux sanguins pourra être utilisé comme médicament contre l'hypertension. Un autre venin va peut-être agir au niveau de la transmission du signal douleur. C'est le cas de la mambalgine, par exemple, une molécule qui est extraite du venin de mamba. Quant à ce lézard venimeux, répondant au doux nom de monstre de Gila, il rend un sacré service aux diabétiques. De la salive de ce lézard, on a isolé une molécule qui a un effet stabilisateur de l'insuline. Extrait d'un reportage de la RTBF, nous sommes toujours en compagnie de la biologiste Emmanuelle Pouille-Debat qui publie « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » chez Odile Jacob. Le venin de certains animaux peut aussi être une source d'inspiration, notamment pour faire de nouveaux médicaments. On l'entendait à l'instant, par exemple avec ce mamba noir, serpent redoutable, mais dont le puissant venin peut s'avérer utile. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est paradoxal, hein. On pourrait penser que le venin tue, mais le venin, s'il est bien étudié, on peut extraire des molécules qui vont soigner. Et la mambalgine, alors faut ce mamba, le mamba noir, le mamba vert sont des serpents qui sont magnifiques, par contre ils sont mortels de manière relativement fulgurante. Et en fait dans leur venin, effectivement, a été isolée une molécule, la mambalgine, ils l'ont appelée comme ça, qui peut avoir des effets antidouleurs très puissants, comme la morphine, mais sans les effets secondaires. Après, il y a un autre problème malheureusement qu'on va rencontrer, notamment les chercheurs français et chercheuses françaises qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'après il faut passer au test clinique pour pouvoir valider l'expérience, et là parfois ça coûte très cher. Et voilà, donc c'est un peu les limites parfois des belles découvertes comme ça. C'est-à-dire que dans le cas de la mambalgine qui a cet avantage qu'on est moins dépendant qu'avec la morphine, mais on n'a pas été au bout des tests. Pour le moment, le produit n'existe pas pour les humains. À ma connaissance, non. Il y a quelques mois, quand j'en discutais avec des chercheuses impliquées, elles en étaient encore à chercher des financements pour faire les tests cliniques. Alors depuis, j'espère que ça a évolué parce que c'était une magnifique découverte. Et puis il y avait ce lézard évoqué aussi. Alors là, c'est pour les diabétiques. Là, le médicament existe déjà, hein, je crois, et dans le commerce depuis 2005. Oui, tout à fait. Là, ça y est, c'est dans le commerce. Et c'est vrai que c'est, à la base, c'est un venin, mais dont les molécules ont été extraites et qui ont la vertu de réguler l'insuline. Donc, ça donne lieu à des nouveaux médicaments pour traiter le diabète. Il y a beaucoup de médicaments, de traitements qui pourraient venir dans le futur, inspirés par la nature. Oui, là, il y a un potentiel énorme, ne serait-ce que par l'étude des végétaux. On ne connaît pas tous les végétaux, on ne connaît pas tous les animaux non plus. Hein. On connaît à peu près 2 millions d'espèces animales. mâles, mais il n'y en a que 10 000 de décrites. Hein. Ouais. Donc le potentiel, il est énorme. Et pour les médicaments, on peut peut-être vous parler des chimpanzés. Vous connaissez Sabrina Krief. Oui, elle est venue dans l'émission il y a deux mois. Oui. Avec Sabrina, on a un projet en ce moment sur les nids des chimpanzés. Parce que les chimpanzés, elle vous l'a expliqué, ils construisent des nids quotidiennement. Et en fait, elle s'est rendue compte que comme par hasard, là où ils construisaient les nids, il y avait moins de tiques et moins de moustiques. Donc en ce moment, on essaie de comprendre comment ils fabriquent leur nid et quels sont les végétaux qu'ils utilisent pour fabriquer leur nid. À mon avis, c'est pas une coïncidence s'il y a pas d'insectes et pas de tiques à cet endroit-là. Ils font probablement des choix d'automédication et de répulsion des insectes. Et ça a un potentiel énorme pour le paludisme, par exemple. Automédication, c'est ce qu'elle nous avait expliqué, hein, d'ailleurs, Sabrina Krief, quand elle était venue dans cette émission. C'est que ces chimpanzés sont capables, lorsqu'ils sont malades, de choisir dans la nature les plantes qui vont les soigner. Exactement. Et en plus, ils sont capables de faire des cocktails. C'est-à-dire, ils savent quoi associer pour optimiser vraiment les défenses contre telle ou telle pathologie qu'ils peuvent subir. Alors, dans votre ouvrage, il y a d'autres exemples, hein, des fourmis qui permettent de trouver de nouveaux antibiotiques. Oui, il y a des fourmis, notamment des fourmis africaines qui vivent au Kenya, dont la piqûre est extrêmement douloureuse, au passage, qui en fait produisent une moisissure dont elles se nourrissent. Ouais. Et c'est en étudiant cette moisissure... C'est-à-dire qu'elles élèvent cette moisissure, oui, ce champignon. Ouais. Elles élèvent ce champignon pour pouvoir s'en nourrir. Et en fait, c'est en travaillant sur cette moisissure que des molécules ont été extraites et elles ont des vertus très importantes puisqu'elles savent lutter contre des antibiotiques. Et comme on sait qu'on a de plus en plus de problèmes avec la résistance des antibiotiques, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait donner lieu à la création de nouveaux antibiotiques. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux antibiotiques. Oui, c'est ça. Donc dans le cadre de l'antibiorésistance, parce que les bactéries développent régulièrement des résistances contre les antibiotiques et c'est difficile de trouver de nouveaux antibiotiques. Exactement. Alors vous citez aussi, c'est plus inattendu, dans la salive du lama, je crois, peut-être une piste pour lutter contre la grippe saisonnière. Oui. En fait, on s'est rendu, enfin c'est pas moi, hein, c'est des chercheurs qui travaillent sur le lama justement et sur cette salive, se sont rendus compte que le lama arrivait à lutter contre la grippe saisonnière même quand elle mutait. Et c'est vrai que nous, les humains, on souffre de cette mutation du virus de la grippe. Et là, il y a une solution qui existe dans la nature, mais alors les mécanismes, ils sont pas encore tous compris. Hein. Mais en tout cas, ça fait une belle piste, un beau potentiel de découverte pour lutter contre cette mutation du virus. Parfois, les chercheurs sont surpris eux-mêmes des applications dans le domaine de la santé que peuvent avoir leurs recherches. Ça a été votre cas, Emmanuel Pouille-Debat. Vous ne vous doutiez pas, en commençant à travailler sur les pinces des écrevisses, des applications que ça pourrait avoir dans le domaine de la santé. Oui, ça fait partie des belles surprises. Et c'est aussi pour ça que j'aime l'interdisciplinarité. En fait, au départ, on travaillait avec mon collègue Raphaël Cornette sur les écrevisses, parce qu'il y a des écrevisses invasives en France, américaines, Louisiane, Signal, etc., qui ont en fait fait baisser les populations de notre petite écrevisse locale. Et on voulait comprendre pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient des capacités de préhension et d'utilisation des pinces, notamment pour l'attaque, la défense, et puis pour manger tout ce qu'elles peuvent trouver, qui étaient assez impressionnantes. Et un jour, en discutant avec un roboticien, il m'a dit, mais c'est génial, parce que les écrevisses, elles ont un exosquelette, hein, c'est une carapace extérieure, c'est un squelette externe, et ça peut m'intéresser, parce que c'est ce collègue roboticien, Nathalie Jarassé, lui, il crée des prothèses pour des handicapés, des prothèses de main, donc souvent à deux ou trois doigts fonctionnels, et lui, il a besoin de modèles comme ça. Parce que souvent, les roboticiens, quand ils créent des bras robotiques et des mains robotiques, ils utilisent l'humain comme modèle. Le problème de l'humain, c'est qu'on a cinq doigts, donc il y a ce qu'on appelle des phénomènes de redondance, c'est-à-dire qu'avec cinq doigts, moi, je peux faire plein de choses différentes, je peux prendre mon gobelet de plein de manières différentes. Une écrevisse, elle n'a que deux paires de doigts. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de fonctionnalité. Par contre, ils font plein de choses avec, malgré seulement deux doigts. Donc ça, c'est un modèle potentiellement plus simple d'application pour finalement une finalité, c'est-à-dire des mains qui sont quand même performantes, des mains prothétiques qui sont performantes. Alors la physiologie de certains animaux constitue une énigme pour les scientifiques dans certains cas. Hein. La comprendre pourrait permettre de mettre au point de nouveaux traitements, là encore. Et c'est le cas d'espèces d'ours qui hibernent, par exemple. Ah oui, alors il y a des ours qui hibernent, effectivement. Et on s'est rendu compte que malgré la longue hibernation, ils ne perdaient pas de masse musculaire. Ou très peu, très peu. Ils en perdent quand même, mais très peu. Et donc ça a donné lieu, ça aussi, ça existe, hein, ça a été validé. Et ça a donné lieu à la création d'une espèce de sérum d'ours qui peut être utilisé pour des gens qui sont alités de manière... longtemps, par exemple, alors des personnes malades, hein, comme des cancéreux, par exemple, mais aussi pour des astronautes, finalement. Ouais. Donc c'est un sérum d'ours, ils ont appelé ça comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'ours produisait, lorsqu'il hibernait pendant l'hiver, une protéine particulière qui venait protéger ses muscles. C'est ça. Il arrive à produire, à s'autoproduire une protéine qui va lui protéger les muscles. Ouais. Et dans les protéines, comme ça, il y a plein de choses dans le monde animal, des protéines qui sont extraordinaires. Il y en a d'autres, par exemple, chez la soie des araignées. La soie des araignées, elle a une protéine aussi qui est incroyable et qui donne cette résistance qui est 5 fois plus résistante que l'acier. Donc juste dans une petite soie d'araignée qu'on a l'impression qu'elle est très fragile, mais elle est 5 fois plus résistante que l'acier, là aussi grâce à une protéine. Alors, autre capacité physiologique enviable, la capacité des requins à cicatriser. Oui, alors ça, c'est assez incroyable. Chez les dauphins aussi, il y a des cas comme ça, où ils ont des plaies, mais énormes. On pourrait penser qu'ils vont mourir dans les heures ou les jours qui viennent. Mmh. Et en fait, en quelques semaines, et parfois en quelques jours, ils arrivent à cicatriser. Donc là aussi, il y a vraiment des voies à creuser. Il y a des principes physiologiques qu'on ne maîtrise pas complètement. Et d'ailleurs, chez les requins, il y en a d'autres qui sont liés au cancer. Il y en a qui ne développent pas de cancer, ou très peu, très rarement. Très peu de cancer chez les requins. Voilà. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Non, alors c'est probablement lié à des mécanismes cellulaires, qui sont liés à des mutations qui n'ont pas lieu, ou des protections de certaines cellules qui justement font que certaines cellules ne vont pas proliférer comme c'est le cas dans certains cancers. Mais là encore, il y a plein de pistes à creuser, ou ce koala là, qui résiste au sida parce qu'il intègre le virus du sida à son propre ADN. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont encore inexpliquées. Et puis il y a des animaux qui semblent quasiment dotés de super pouvoirs. Devant le temps qui passe, certains s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, le rat taupe nu est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, et qui vit 30 ans en bonne santé. D'habitude, une souris vit 2 à 3 ans. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Jamais de cancer, équivalent d'Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Pas de vieillissement. Autrement dit, quand on lui implante des tumeurs cancéreuses, même violentes, il la rejette. Il résiste aux cancérigènes. Donc cette petite souris tient la clé de ce qui nous fera tous mourir un jour ou l'autre. Cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Si on trouve cette clé, on fera un bond de géant pour la santé. Un vétérinaire de Maison Alfort particulièrement enthousiaste devant les prouesses en termes de longévité et de résistance du rat taupe nu. Il est si invincible que ça, le rat taupe nu? Il finit par mourir, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'en termes de longévité, c'est 10 fois plus qu'une souris ou qu'un rat, alors que c'est un rongeur. Et effectivement, il est complètement à part, pas de maladie cardiovasculaire non plus. Il régénère ses neurones. Enfin, il y a des mécanismes cellulaires aussi immunitaires qui sont assez impressionnants. Ouais. Donc en termes de santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à aller piocher. Maintenant, attention quand même à ces histoires d'immortalité. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour l'espèce humaine de chercher l'immortalité. Mais par contre, c'est vrai que pour des voies thérapeutiques sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, c'est un modèle qui est tout à fait passionnant. Ouais, il y en a d'autres, des modèles passionnants que vous citez dans votre ouvrage « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » chez Odile Jacob. Par exemple, une petite grenouille des bois d'Alaska. Là, c'est Hibernatus. Elle est congelée à moins 20 degrés dans la nature, parce qu'il fait très froid dans le lac. Et puis, quand ça se réchauffe, elle revient à la vie. Elle régénère, c'est hallucinant. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de ressusciter, j'aime pas aussi, parce que là aussi, ça peut donner lieu à des idées un petit peu loufoques. Mais oui, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'elle est morte. C'est-à-dire que le sang circule quasiment plus, les pattes sont cassantes, comme si l'animal était mort et puis elle ressuscite. Alors là, c'est pareil. Elle ressuscite avec des millions de guillemets. Ouais. Là aussi, c'est pareil. Les mécanismes physiologiques qui sont derrière sont assez complexes. On sait que il y a un autre animal qui fait ça, c'est le tardigrade. Elle s'est rentrée en cryptobiose, c'est-à-dire qu'en gros, elle s'est maîtrisée la température interne de son corps. C'est des mécanismes physiologiques qui nous échappent, nous les humains. Ouais. Alors les tardigrades, eux, ils semblent invincibles, résister à tout. C'est absolument. Alors, cataclysme d'origine cosmique, sécheresse, température extrême, privation d'eau pendant plus de 10 ans, haute pression, vide quasi absolu. Face à tout ça, le tardigrade résiste. À quoi il ressemble? Quelle taille il fait, le tardigrade? C'est minuscule, c'est moins d'un millimètre. C'est tout petit, on ne voit même pas à l'œil nu, le tardigrade. On dirait un peu un petit ourson miniature. Oui, c'est ça, on l'appelle l'ourson d'eau parfois. C'est un petit ourson, c'est mignon comme tout. Enfin, il y en a qui diront que c'est moche, mais moi je trouve ça très mignon. c'est un côté science-fiction. Oui, c'est vrai, c'est un côté science-fiction. D'ailleurs, ça a donné lieu, en vous écoutant dire ça, ça a donné lieu aussi à des hypothèses comme quoi le tardigrade viendrait d'une météorite, parce que comme il survit au vide de l'espace, voilà, ça a donné lieu aussi à ce type de théorie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est minuscule. minuscule et qui survit à énormément de choses, même à des températures extrêmes, que ce soit inférieures ou supérieures. Donc c'est assez impressionnant. Mais alors, comprendre tous ces mécanismes, ça pourrait servir à quoi ? Au-delà du fait que c'est fascinant et qu'on a envie de comprendre. Mais... C'est sûr. Bah, comme vous dites, en premier lieu, on a envie de comprendre. Ouais. Parce que forcément, dès qu'il y a un mystère, on a envie de le résoudre. Après, je pense que ça peut donner lieu à la santé. On en parlait. Il y a quand même des améliorations à faire sur la souffrance, sur la douleur chez les humains, sur le par rapport au cancer, les maladies cardiovasculaires. Et après aussi, il y a tout un champ, je pense, qui et c'est là où je reviens à pour moi l'utilité majeure de la bioinspiration, c'est l'écologie. Mmh. On a des animaux qui peuvent nous servir de modèle pour faire baisser les pollutions ou pour détecter des seuils de pollution pour agir au plus vite. Voilà, ça on peut s'en inspirer. On a par exemple parlé tout à l'heure des écrevisses. Il y a des crabes qui ont des surfaces externes de leur corps qui leur permettent de pas accumuler de biofilms, c'est-à-dire pas du tout de pollution ou de bactéries sur leur carapace. Ça, c'est utilisé par exemple pour certaines coques de bateaux pour justement éviter la production de biofilms et donc limiter la pollution aquatique. On a des robots qui ont été créés pour faire de la détection de pollution relativement précoce, comme par exemple à Venise, et ça fonctionne. Et en plus, c'est des robots qui fonctionnent en intelligence collective avec des robots qui ont des fonctions différentes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le papillon morpho qui peut donner lieu à de nouveaux panneaux photothermiques. Bon, ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif premier de la bioinspiration, en tout cas à titre personnel. Oui. Et à l'avenir, vous pensez qu'on va faire de plus en plus appel à la nature ? C'est un peu paradoxal, hein, parce que c'est vrai que on fait appel à la nature pour ses vertus utilitaires, pour nous les humains, en retour pour la protéger. Alors c'est triste, je trouve que c'est triste finalement d'en arriver là. Et en même temps, la situation elle est tellement dramatique d'un point de vue de la perte de la vie qu'on observe en ce moment. On est en train de limiter le potentiel évolutif de la vie en ce moment, c'est ça qu'on est en train de faire. Et je pense que la bioinspiration a son rôle à jouer. Et effectivement, si il faut, de mon point de vue, aller chercher de l'utilité chez les animaux, il faut le faire. Parce que si c'est la seule manière de les protéger davantage, alors il faut le faire. Voilà. Même si c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Se rendre compte qu'ils sont précieux aussi pour notre bien à nous, ça peut donner envie à certains de les protéger davantage. Alors, votre livre, c'est aussi un appel à l'humilité. Nous devrions rester modestes face à plusieurs milliards d'années d'évolution et toutes ces solutions que la nature a su trouver. Ben oui, parce que nous, on est là depuis pas très longtemps à l'échelle de l'évolution. L'espèce humaine, c'est 2-4 millions d'années en fonction des définitions. Ça se bagarre un peu sur les définitions du genre humain. Mais en gros, on est là depuis 2 à 4 millions d'années, alors que la vie, elle est là depuis 4 milliards d'années. Donc, je vous laisse imaginer, on est une goutte d'eau dans l'évolution, on n'est pas grand-chose, donc, et sans humilité, pour moi, on ne voit rien. Donc la moindre des choses, j'ai envie de dire, c'est de regarder ce qui nous entoure avec un peu d'émerveillement. On a un petit peu oublié, je pense, l'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à cette nature. Donc un peu d'émerveillement, un peu d'humilité pour essayer de voir tout ce qu'on peut nous apprendre d'eux, et pas le contraire. C'est à nous d'apprendre d'eux pour nous aller mieux et faire en sorte que ce monde aille un petit peu mieux. Merci Emmanuel Pouillet-Desbats. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » aux éditions Odile Jacob. Un grand merci à vous. Merci à vous surtout. En deuxième heure, nous partirons observer les volcans et les glaciers d'Islande avec le géologue Arnaud Guérin. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu. Nous parlerons entre autres de la découverte d'un continent sur Mars et de l'émergence d'un virus inconnu qui inquiète en Chine. Fini la 8-6, fini la fumette, c'est fini les bêtises, les clubs de striptease, les femelles à lunettes, la migraine au réveil, j'ai la coupe d'un bitch, une haleine de fenêtre, chez moi ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges, que j'ouvre plus les fenêtres, je prends la vie comme un jeu, mon ami, c'est comme un jeu, sur ma vie, je prends la vie comme un jeu, mon ami, je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie, je kiffe ma vie, donc j'écris. Cherche celle qui va mettre le sucre. J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. je fais ça encore salement. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoise, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi. Sur ma vie, comme un jeu, mon ami. C'est comme un jeu. Sur ma vie, comme un jeu, mon ami. Pour les murs, je vise le baisse. Ils diront tout ce que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Pour les miens, je vise le baisse. Ils diront tout ce que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Sur ma vie, c'était Némir et Alpha One. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et pour la revue d'actu de la semaine, autour de la table, Mathieu Novak de Science et Avenir et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors vous avez l'air en pleine forme malgré les virus qui rôdent en ce moment, alors que la grippe, la gastro et la bronchiolite sont en plein pic épidémique en France. Une épidémie mystérieuse semble émerger en Chine. De quoi s'agit-il, Mathieu Novak ? Alors oui, vu de France, ce ne sont que quelques dizaines de cas, 59 pour être précis au dernier décompte, mais cela suffit pour inquiéter et la Chine et le reste du monde. Alors ça se passe dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, c'est quand même une ville importante parce qu'elle compte pas moins de 11 millions d'habitants, et des personnes semblent y avoir contracté une pneumonie d'origine virale, et 7 seraient dans un état critique, avec de la fièvre, des symptômes respiratoires et des lésions pulmonaires visibles en radiographie. Et immédiatement, 163 personnes qui ont été à leur contact ont été placées en observation. Et alors pourquoi ces quelques cas d'infection en Chine nous alertent-ils immédiatement ici en Europe ? C'est que rappelez-vous, ça remonte à plus de 15 ans, mais ce mot SRAS, c'était en 2002-2003 et c'était la première maladie grave et transmissible du 21e siècle. Un virus alors s'était propagé dans 37 pays et avait causé la mort de près de 800 personnes. Une personne infectée sur 10 y avait succombé et au total 25 000 personnes avaient été placées en quarantaine. Et 10 ans plus tard, rappelez-vous encore, le MERS en Arabie Saoudite. Un virus qui tuait plus de la moitié des personnes qui l'infectaient. Au total, plus de 800 personnes sont décédées. Or, on l'a appris avant-hier, le nouveau virus appartient à la même famille que ceux qui ont causé le SRAS et le MERS, c'est-à-dire, c'est un coronavirus. Alors, les coronavirus, qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est des virus très communs. Après les rhinovirus, c'est la deuxième famille la plus fréquente de virus qui affecte les voies respiratoires. On les appelle comme ça coronavirus, parce que quand on les regarde au microscope, leur forme, elle évoque la couronne solaire. Bon, tous les coronavirus sont pas responsables de graves épidémies, loin de là. Mais le plus souvent, ils causent des rhumes bénins. Mais comme pour le SRAS ou le MERS, on n'est jamais à l'abri qu'un nouveau virus adapté à l'homme apparaisse et occasionne des troubles graves. Et ce qui semble être le cas ici. Alors, fait rassurant cependant, les médecins chinois affirment qu'il semble pour le moment ne pas se transmettre d'humain à humain facilement et aucun mort n'a encore été recensé. Alors, puisque la transmission interhumaine n'est pas établie, est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu trop pour un risque finalement assez limité ? Oui, peut-être. Mais ce qui rend les autorités sanitaires frileuses, c'est le timing. Parce que la semaine du 25 janvier, c'est celle du nouvel an lunaire en Chine. Et concrètement, il s'agit de la semaine qui compte le plus de déplacements en Chine. C'est un peu comme nos chassés croisés, mais à l'échelle d'un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. On parle de la plus grande migration humaine annuelle au monde parce qu'il y a quelque chose comme 400 millions de personnes qui vont se déplacer en bus, en train ou en avion. Alors vous imaginez qu'en cas de nouvelle épidémie, si on veut éviter le pire, il faut être extrêmement réactif avec des mesures sanitaires drastiques. C'est comme ça que le SRAS et le MERS avaient été circonscrits. Et d'ores et déjà, à l'étranger aussi, on s'inquiète. En Corée du Sud ou à Singapour, des voyageurs qui présentaient des symptômes de pneumonie ont déjà été mis en quarantaine. À Hong Kong, des caméras thermiques détectent au contrôle les voyageurs qui présentent une forte fièvre. Parle-t-on déjà de traitement pour soigner la maladie ? Non, ni vaccin, ni traitement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, pour le SRAS et pour le MERS, on n'en dispose pas. Et si la maladie était amenée à réémerger, on n'aurait pas de traitement. Parce que pour mettre au point un vaccin, ça prend des années. Et le produire en masse, ça prend aussi des mois. D'où le besoin vraiment de contenir la menace là où elle émerge. émerge, et aussi de savoir d'où provient le virus. Pour le SRAS, il a fallu une bonne dizaine d'années pour établir qu'il venait de chauves-souris. Ici, les premières personnes infectées travaillaient dans un marché de fruits de mer qui a été immédiatement fermé pour désinfection. Mais dans ce marché, on vendait aussi des petits animaux comme des lapins, des oiseaux ou des serpents. Alors la première source de transmission a sans doute été éliminée, mais pour le moment, on ne sait pas quel est le réservoir du virus, ni comment où il peut repasser à l'homme. Bon, alors on garde un œil sur la situation, sans trop paniquer pour le moment, mais on surveille. Voilà, il faut surveiller, mais pas de restrictions de voyage pour le moment en tout cas. Mes très chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Les Martiens. Sur Terre, je vous en prie. Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces Martiens. Pas encore de Martiens à l'horizon, mais Philippe Hénarejos, des chercheurs viennent de découvrir un continent sur la planète rouge. Oui, une équipe de chercheurs français dirigée par Sylvain Boulet du laboratoire GEOPS de Paris-Saclay. Il y a aussi deux Américains dans l'affaire, mais majoritairement ce sont des Français. Donc cette équipe a découvert qu'un continent s'était formé sur la planète Mars il y a plus de 4,2 milliards d'années. Alors Mars, vous le savez, c'est la planète qui est considérée comme la jumelle ratée de la Terre. Tout laisse à penser que son histoire a commencé de manière identique à celle de la Terre, voici 4 milliards et demi d'années, avec du volcanisme, de l'eau en abondance, une atmosphère épaisse et qui sait peut-être effectivement la vie. Donc il y a eu des océans sur Mars. Voilà, c'est ça. On en est quasiment sûr. Donc voilà, a priori, Mars ressemblait à la Terre au tout début. Mais Mars est plus petite que la Terre, son diamètre est environ la moitié de celui de la Terre, et la mécanique s'est rapidement tarie. L'intérieur de la planète s'est refroidi plus vite et tout s'est figé. Et c'est en cela que la découverte d'un continent est intéressante. Elle tente à démontrer que s'est amorcé sur Mars le même processus géologique que sur la Terre. S'il y a un continent sur Mars, c'est que peut-être, au tout début, cette planète avait commencé à avoir les mêmes évolutions tectoniques que la Terre. On parle souvent de Mars pour dire qu'elle a eu de l'eau et peut-être de la vie. La formation d'un continent est peut-être un début de tectonique des plaques, un phénomène qui marche d'autant mieux qu'il y a de l'eau mêlée aux roches. Alors précisément, comment peut-on découvrir un continent sur une planète qui n'a plus d'océan aujourd'hui? Alors oui, voilà, un continent, c'est une formation particulière. C'est une région de la croûte d'une planète qui est plus épaisse que le reste. C'est pour cela que sur Terre, au passage, une planète qui est bien dotée en eau, il y a des mers et des océans entre les continents. Mais aussi, c'est une composition différente, un continent. Pour faire simple, il y a les roches volcaniques et les roches différenciées. Au départ, tout est volcanique. Simplement, les roches différenciées sont des grumeaux qui ont mis longtemps à se refroidir et qui, avec l'aide de l'eau, ont cristallisé. Comme ils sont un peu plus légers que les roches volcaniques, ils surnagent en surface. Donc, d'abord, les chercheurs ont identifié sur Mars un de ces grumeaux. Pour arriver à cela, ils ont reconstitué la croûte martienne telle qu'elle devait être avant que de grands impacts météoritiques et de grands volcans viennent la modifier. Aujourd'hui, Mars n'a pas le même aspect qu'à l'époque. Et à la suite de ce travail, qui est une vaste modélisation, ils ont constaté qu'une région de l'hémisphère sud restait plus élevée que toutes les autres. Et justement, sur Mars, n'est-il pas déjà connu que l'hémisphère sud a une altitude plus élevée que l'hémisphère nord? Alors oui, vous avez raison, mais c'est pas la même histoire. Ah bon? Là, c'est juste une petite partie de l'hémisphère sud qui est concernée. Après la modélisation de la croûte primitive de Mars, les deux hémisphères se retrouvaient à peu près aux mêmes altitudes. C'est d'ailleurs en cherchant à comprendre cette différence actuelle entre le nord et le sud à laquelle vous faisiez allusion que les scientifiques ont découvert cette anomalie. C'est donc une découverte faite par modélisation, mais est-ce qu'il y a d'autres indices qui vont dans le même sens? Oui, je vous parlais tout à l'heure de la différence de composition entre les roches continentales et les roches volcaniques. Eh bien, en cherchant dans les données des satellites qui tournent autour de Mars, les astronomes ont trouvé qu'il y a uniquement sur cette région du potassium et du thorium. Or, ce sont deux minéraux qui, sur Terre, se trouvent principalement dans les roches de type continental. Et par chance, le robot Curiosity, vous savez, avec les roulettes là, qui se trouve sur Mars, se trouve en bordure de ce continent. Et il a lui aussi identifié des roches qui semblent être des roches cristallines qui pourraient bien appartenir à ce continent. Enfin, la région se distingue par une anomalie magnétique. C'est là où le champ magnétique fossile de la planète est le plus fort. Alors tout cela constitue un beau faisceau d'indices. Bien sûr, il serait intéressant d'avoir sur place un robot qui collecte des roches et qui les ramène sur Terre afin de pouvoir les analyser précisément et d'avoir la preuve définitive un jour. jour, peut-être, qui sait. Ouais, faudra continuer à explorer Mars. Attention, Mathieu. Boîte de Pandore, parce qu'on découvre un continent, on pense qu'il y en a un, alors pourquoi pas deux, trois? Mais comment il s'est formé? Est-ce qu'il y a une technologie des plaques? Voilà, c'est le genre de découvertes qu'on aime, parce qu'elles suscitent tellement de questions. C'est vrai, il pourrait y en avoir plus d'un, finalement, de continents. A priori, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Vous savez, Mars était plus petit, donc peut-être que le phénomène de morcellement et de continentalisation de sa croûte n'a été qu'embryonnaire. Ouais, un peu comme sur Terre, il n'y a eu qu'un continent pendant un moment. Aussi, oui. Et dans le reste de l'actualité scientifique, de la télémédecine extrême, un astronaute en reste dans l'espace. Avec vous, Mathieu Novak, un astronaute a dû être soigné pour un caillot sanguin. Oui, les médecins sur Terre n'en sont pas revenus. Ils faisaient juste une étude sur la circulation sanguine chez 11 astronautes qui habitaient sur la Station Spatiale Internationale. Et ils ont découvert de façon tout à fait inattendue que chez l'un d'entre eux, il y avait un gros caillot sanguin dans la veine jugulaire au niveau du cou. C'est un cas inédit dans l'espace pour lequel il n'existe pas de protocole. Le patient, lui, il se plaignait d'aucun symptôme, mais il était quand même dangereux de laisser le caillou en place, sachant que l'astronaute, dont on ne connaît pas l'identité, avait encore 4 mois de mission devant lui. Alors les médecins ont fait appel à un autre expert, spécialiste des caillots sanguins, et il a pris la décision de traiter avec des injections d'anticoagulants, parce que heureusement, il y avait un petit stock de médicaments dans la station spatiale. Et ça permettait d'attendre un ravitaillement qui ne pouvait pas intervenir avant plus d'un mois. Alors ça a été un demi-succès, parce que le caillot a régressé, mais très lentement. Et en revanche, il en restait un tout petit peu quand il est arrivé sur Terre, et là, à ce moment-là, il a disparu en 10 jours. Donc les médecins ont ainsi découvert qu'en l'absence de gravité, la dissolution du caillot se fait beaucoup moins bien. Mais le pire a été évité. Et surtout, ça a rappelé à tout le monde que la station spatiale, elle a beau être à seulement 400 km de nous, il n'y a pas de sortie de secours en cas d'urgence. Eh oui, un caillot sanguin en orbite. On reste dans l'espace, mais un peu plus loin cette fois-ci, Philippe Hénarejos. L'étoile Bételgeuse nous fait des clins d'œil, mais elle n'est pas la seule. Oui, vous le savez, là, depuis quelques semaines, cette étoile qu'on peut voir facilement à l'œil nu, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, eh bien, elle n'est plus l'étoile la plus brillante d'Orion parce qu'elle s'est spectaculairement affaiblie. Alors, cela n'augure pas son explosion imminente à supernova, comme on l'espère tous et comme on a pu le lire ici et là. Quoi qu'il suffirait que je dise ça pour qu'elle explose demain. Hein. Mais ça pourrait annoncer quand même que cette étoile... C'est un phénomène de surface et a priori, la supernova, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est lié visiblement à deux cycles. Cette étoile est variable. D'accord. À deux cycles qui sont à leur minimum à peu près en même temps. Donc, Bételgeuse n'est pas en phase d'exploser. On ne sait pas quand elle explosera, mais par contre, les astronomes viennent de faire une prédiction ferme. Alors, elle va vous paraître un peu floue comme ça. C'est entre 2067 et 2099, il y a une petite marge quand même, l'étoile V Sagittae, alors Sagittae c'est la constellation de la flèche, devrait devenir ce qu'on appelle une nova. Concrètement, ça veut dire que cet astre qui est distant de 7780 années-lumière et qui n'est pas visible à l'œil nu, va devenir brusquement aussi brillant que Sirius, peut-être que Vénus. Et Sirius et Vénus sont les astres les plus brillants de tout le ciel. Et en fait, il s'agit d'un duo d'étoiles. L'une est une naine blanche qui arrache régulièrement de la matière à l'autre, qui est une étoile normale. Et selon les astronomes, les deux astres qui se tournent l'un autour de l'autre se rapprochent l'un de l'autre au point qu'ils vont fusionner entre 2067 et 2099. Alors, la prédiction a été faite pour la date moyenne de 2083. Mais sait-on jamais, les plus jeunes ou les plus persistants d'entre nous pourront peut-être voir ce spectacle. Oui, c'est ça. On verra si la prédiction est bonne ou pas. C'est ça, faudra quand même avoir une sacrée longévité pour être encore là en 2083. Au sommaire de Ciel et Espace, dans les kiosques en ce moment, Philippe Hénarejos. C'est une autre étoile, c'est le Soleil, et on parle de sa réelle influence sur la Terre. Et pour Sciences et Avenir, Mathieu Novak. Si vous avez fini notre numéro où les neurosciences explorent la méditation, plongez-vous dans notre nouveau hors-série sur une nouvelle histoire du cosmos où on reprend tout depuis le début. Voilà, le cosmos aussi, donc, pour Sciences et Avenir. Merci à tous les deux et à bientôt. Dans un instant, nous partons pour une île volcanique unique au monde, l'Islande. Le géologue Arnaud Guérin va nous emmener dans ce pays singulier qu'il arpente depuis plus de 20 ans, à la découverte de ses volcans, ses glaciers et ses aurores boréales. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? C'était Leonard Cohen, Happens to Hurt sur France Inter. Et juste après le flash, nous mettons le cap sur l'Islande.